بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكما اتفقنا عليه بعد ما كملنا كتاب التوحيد on va entrer inshallah dans une qira'a wajiza mukhtasara murakhasa résumé comme un topo de cette risala qui est al-hukm bighayri ma anzala Allah, jugé par autre que la loi d'Allah, écrite par le cheikh Bandar ibn Naif al-Mihyani al-Utaybi rahimahullah ta'ala. Et à ne pas confondre ce Utaybi avec l'autre qui est Usama Oussama al-Utaybi al-Safi, le deuxième qui est al-Medina, s'appelle Oussama al-Utaybi, qui lui est al-Safi et qui n'a rien à voir. D'accord? C'est un ahmaq, Safi, ou al-Tafat ilayhi. Et qu'elle me préserve d'avoir un jour à enseigner ses livres pour qu'il reste sur le hal dans lequel il est. Donc tu vas voir que ce qu'on va apprendre de façon résumée, c'est lié à ce qu'on a pris auparavant dans le kitab Tawhid. Tu vas avoir des abouab, des adillah similaires, des masahil similaires. Et j'ai choisi ce sujet-là, car c'est un sujet qui est hassis, comme on dit, sensible, dans lequel beaucoup se sont perdus, dans lequel beaucoup pataugent, et avec lequel beaucoup jouent, pour égarer les gens, et parlent sans chance. Malheureusement. Et tu verras sur les réseaux sociaux, par exemple, l'un des sujets préférés des djouhal, c'est ce sujet-là, de parler sur le gouverneur. Pourquoi? Pour cette raison-là. Sans vraiment en connaître les règles shad'iyya qui en découlent réellement. Et le ajib de hada, c'est que ces gens-là reprochent aux hukam de ne pas juger avec la loi d'Allah. Et finalement, c'est une erreur de leur part, de ces hukam. Soit disant que ces hukam font comme les kuffars, alors qu'on dit, ben vous, en critiquant ces hukam pour ce genre de raison, comme vous le faites, vous jouez le jeu des koufars, justement. Car les koufars, c'est quoi leur but? Ah, c'est de dégager vos dirigeants, de diviser entre vous et eux, afin de quoi? Qui est le désordre sur terre. Donc vous êtes des employés des koufars sans même vous en rendre compte. Le kafir, c'est ça qu'il aime. Quand tu critiques le hakim fulani, ou fulani, tu parles sur l'Arabie Saoudite ou tel pays, tu crois que tu fais plaisir à qui en faisant ça? Tu fais plaisir aux koufars. Le, comment on appelle ça, l'arabie, comme il l'appelle prétend arabe, qui est-ce qui l'a commandité? C'est les koufars qui l'ont commandité. Et résultat aujourd'hui, on s'est affaibli. Donc ceux qui ont ce genre de comportement ne se rendent même pas compte qu'ils sont eux-mêmes des outils dans les mains des koufars, qui jouent avec eux. Donc, nous, le but là, laissa à nous dafir an akhta al-hukam. Sûrement pas. On n'est pas là pour défendre les erreurs des hukam. On blâme. Et c'est une chose qui est très très grave que de ne pas juger par l'ordre d'Allah. Cependant, la yunkar un munkar bima wa ankar minhu. On ne blâme pas le blâmable par une chose qui est encore plus blâmable. Voyez, wa dalil ala zalika. Hadith عن نعمان بن بشير الذي رواه البخاري قال القائمون بحدود الله والواقعون فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان منهم من أصاب أعلاها ومنهم كان في أسفالها فكان الذين في أسفالها إذا أرادوا أن يستسقوا مروا بمن فوقها فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا أي لنستسقي ما نحتاج أن نؤذي من فوقنا فلو ترك الذين فوقهم ما أرادوا لأهلكوا جميعا ولو أخذوهم بأيديهم لنجوا جميعا. Qu'il a dit, celui qui applique les forces d'Allah, c'est-à-dire là, il parle de celui qui fait le amr bil ma'ruf et le nahi an munkar, qui ont donné convenable et interdit le blâmable. Et ceux qui tombent dedans, ceux qui tombent dans le blâmable, sont à l'exemple d'un peuple qui est sur des gens qui sont sur un bateau. Et ils ont fait le tirage au sort pour savoir qui sera en haut, qui sera en bas. Donc chacun a eu sa part. Et ceux qui étaient en bas, lorsqu'ils voulaient boire, étaient obligés de passer par ceux qui étaient en haut. Ce qui amenait à les déranger. Donc ils ont dit, si on faisait un trou dans le bateau pour avoir à boire, ou pour avoir de l'eau, nous n'aurions pas besoin de déranger ceux qui sont en haut. Donc qu'est-ce qui se passera? Si jamais ceux qui étaient en haut laissaient faire, qu'est-ce qui se passerait? On voit un trou dans le bateau, ils couleraient tous. Et si jamais ils empêchent de faire, qu'est-ce qui se passerait? Ils seraient tous sauvés. Donc nous, ce genre de l'eau, ça les donne pourquoi? Pour la maslaha amma. Car le mal, s'il nous touche, il nous touchera tous. Comme encore le Ta'ala, « وَلْنَمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ » C'est mieux, vous ne faites pas cela, c'est-à-dire vous n'empêchez pas les gens de faire du mal, il y aura un grand trouble sur terre et beaucoup de désordre. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens. Donc, le hakim muslim qui juge pas autre que le roi d'Allah aura fait une azima. Il a chèque ou l'arrive. Comme on l'a dit, on ne le défend pas. D'accord? Et nous-mêmes, on déteste qui ne juge pas par l'eau d'Allah. Mais notre aversion n'amène pas à dépasser les limites, à devenir injuste et à outrepasser les lois d'Allah, azawajal. Contrairement justement au khawarij. Car c'est un fiqh khawarij que de vouloir rendre kafir le hakim muslim pour ce genre de choses, sans reconnaître le tafsil et la réalité. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment nous a-t-il appelé à nous comporter avec le hakim muslim? De patienter sur lui. Et de ne pas sortir contre lui. Tant qu'il est muslim. Et encore, même s'il est kafir, on va en parler après également, il y a un tafsil. Alors que le khawarij, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé de se comporter avec eux? De les combattre. De les combattre. Donc cela amène à quoi? À ce que celui qui se met à appeler à la révolte ou à rendre mécréant le hakim muslim, le gouvernement muslim, sans droit, on doit se comporter avec lui plus durement encore. Donc c'est pas de, comme ils veulent faire croire, irja ou je ne sais quoi. Là, ada hukmullah. Justement, en faisant cela, nous, on juge avec ce que Allah fait descendre. Et eux, en faisant ce qu'ils font là, ils ne jugent pas avec ce qu'Allah fait descendre, ce qui amène à ce que eux-mêmes, à la base, ils sont plus en droit de recevoir le jugement qu'ils attribuent sur les autres, sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. Sauf qu'eux, ils ont un ta'wil. Ils ont un texte qu'ils interprètent mal, qu'ils ont mal compris. Et beaucoup, ils ont de hamma, c'est de la fougue. C'est de la fougue qu'ils ont en eux. Car tu les vois blâmer les hukam pour ce genre de masa'il, et eux-mêmes, pour beaucoup d'entre eux, on va dire, ils passent leur temps, matin et soir, à transgresser les lois d'Allah, azza wa jalla, par shahawat, pour leur plaisir personnel et autres. Tu vas en voir un parler sur, mesela, l'Arabie Saoudite, pour telle et telle raison, et l'un à côté de ça, il suit le match de football. Peut-être qu'il écoute de la musique, peut-être qu'il a une petite copine, d'accord, peut-être qu'il va au cinéma, qui s'habille des pieds à la tête comme un kafir. Et autres. Et ainsi de suite. Dans leur maison, ils ne jugent pas avec ce qu'on leur fait descendre. Mais ils veulent imposer au gouverneur de le faire. Et comme les ulama l'ont dit, si demain le gouverneur se mettait à appliquer les lois d'Allah Azza wa Jal pleinement, plein de gens ne supporteraient pas. Parmi ceux-là, là, qui parleraient. Ils ne supporteraient pas. Non pas qu'ils ne soient pas supportables, elles sont supportables et elles sont obligatoires. Mais eux, tellement ils ont le cœur malade, ils sont des gens qui ne sont pas moustakim, ils ne supporteraient pas. Tu vois? Ils ne supporteraient pas. Et pour preuve, ils veulent imposer la loi d'Allah en désobéissant à Allah. Ça n'existe pas, ça. C'est pas en sortant contre le hakim que tu feras en sorte que les lois d'Allah seront appliquées. Toi-même, tu es le premier à transgresser demain. Donc, on va parler de cela, bizna ta'ala, khilal azihi, Arisala. بإذن الله تعالى. وهذا نصحا للأمة. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين سي نصيحة. نصيحة لا دون سنس بو الله. C'est quoi le sens là? D'être sincère envers Allah. Sincère envers la question de son livre. Sincère envers son messager. Et le conseil pour qui? Pour les gouverneurs et pour les gens de la masse. Pour les gens de la masse. Donc cette risala a été muqaddama par Cheikh Mohamed ibn Hassan ibn Abdurrahman al-Cheikh. Wafakahullahu ta'ala. Et le Cheikh a fait le muqaddima en faisant l'éloge de l'auteur et de la risala, en précisant bien qu'il n'a pas tout lu, mais qu'il a lu globalement, et on en fait l'éloge. Donc nous, on va prendre des audios, comme on le fait là maintenant, et après, quand je les diffuserai, je les couperai, pour que ce soit le plus court possible, par sujet. Après qu'il ait fait le Muqaddima, l'auteur lui-même, il a dit, فَلَمَّا كَانَتْ مَسْأَلَتْ الْحُكْمُ بِغَيْلِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ أَشْهَدِ مَسَائِلْ إِشْكَالًا عَلَى طُلَّابِ الْعِلْمِ حتى إنه لم يسلم من الخطأ فيها بعض الفضلاء فقد اجتهدت ما استطعت في إخراج هذا الكتاب بيانا للحق وراجيا من الله تبارك وتعالى أن ينفع به. Donc il a dit justement, il a vu que c'est un, il a fait ce livre là dans le fait que beaucoup de طلاب العلم, alors que il y a d'autres que le طلاب العلم, se sont trompés dans ce sujet là. Elle est un problème. Certains par passion, certains par ignorance, et certains par manque de recherche dans le sujet. Car souvent, tu verras des gens avoir des ambiguïtés. Même des gens, des fois, moi-même, des fois je vois certains parmi les mukhalifines avoir des aqwal, je me dis, si je vais y répondre, j'aurais du mal à répondre. Sans aller me renseigner, c'est-à-dire, ce que j'ai appris moi, ne suffirait pas à répondre à ce que j'ai lu là. Car on a pris dans Kefishubouet, Ma'adha, Akhavna, Anna Roudoud, à l'ishkalat min wajhain. Soit t'as un rod ijmali, donc je sais, t'as un rod général, donc moi, avec mes connaissances que j'ai, ou que toi tu as, tu sauras que cette parole-là, elle s'oppose à notre adilla généraux. Maintenant, après t'as la réponse qui est détaillée, qui elle, explique bien le botland, le faux de cette parole-là, et cette fois, cette réponse détaillée, on ne l'a pas. Faut aller la chercher. Donc tu sais que le corps de cette parole-là, et que cette parole-là, il voit même le corps et cette parole-là, tu sais que c'est moubtil. Mais tu dis, je ne pourrais pas y répondre maintenant comme ça. Tu sais juste que ce qu'il dit là, je n'y crois pas. Ça s'oppose à d'autres usul, mais la chouboite en elle-même, je n'ai pas la réponse, mais bismillah ta'ala, je demanderai ou je la chercherai. Et ce livre-là apporte justement des réponses détaillées à plein de questions que beaucoup se posent. Et certains veulent la réponse, et d'autres la fuient, et d'autres la refuseront quoi qu'il en fasse. Quand tu leur mettras comme réponse, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Donc il a fait en sorte d'être le plus sommaire possible pour faciliter justement la connaissance du sawab dedans. Donc il a divisé cette risala en 4 recherches. Al-mabhas al-awwal, qawa'id la-budd min ma'rifatiha. Des fondements qu'il est obligé de savoir en muqaddima, en introduction, pour savoir ce qu'il va, pour pouvoir comprendre la suite. Mabhas al-thani, deuxième recherche, at-tafsil fi mas'alat al-hukm bi ghayri ma anzala Allah. Le détail sur la question. D'accord? Quand dire que quelqu'un n'a pas jugé avec ce qu'Allah a fait descendre? Pour quelle raison? Tafsil. Troisième mabhas, fusul mutammima. Des chapitres viennent compléter la recherche précédente. Al-mabhas al-rabi' al-jawab ala aham adillat al-mukhalifin. La réponse, justement, aux ambiguïtés des, on va dire, principales, plus grosses ambiguïtés que les gens ils ont sur la question, c'est quoi leur dalil, c'est quoi la réponse à leur dalil. Azah.